Tiens, tu sais jouer ça, toi? Tu la connais, celle-là? Si tu veux essayer. Bon, le tempo, ça va? Encore des problèmes de réglage là-dessus. Bon, maintenant, je vois plus l'écran en grand. Celle que tu préfères, je vais essayer de chanter sur toi. Tout à l'heure, t'as fait des trucs pas mal aussi. J'ai oublié mon café. Mon café, j'ai oublié. Oh, c'est bon le week-end. Bon, je crois que Philippe est en train de faire la sieste. On va essayer de pas faire trop de bruit. Tu dors? Est-ce que tu veux plus vite ou non? Ça te va? Attends, mais je l'ai pas calé ça. Philippe, il va corde et la basse. C'est quoi ça? C'est un morceau ou c'est à toi? Philippe, comment ça va aujourd'hui? Fatigué le toit. Tiens, je vais écouter ce que ça donne sur le long. Pour la basse, tiens. Voir si la basse est pas trop forte. Ah merde, il s'est barré le long. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Ah ben sur le launch là-bas c'est un peu forte. comme hier, Philippe avec le mec. Et ma mec au clavier, hier, j'étais paumé. Oh my God.